will never stop. Done a boogie woogie with a Dixie pop. Ba ba. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 2 octobre. Il est 10h01 et nous voilà partis pour une heure d'émission des Jeunes. Des Jeunes, voilà. Tout le monde va bien ? Oui. Oui. En technique, tout le monde va bien ? C'est à toi qu'on parle ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, bon. Et les autres ? Oui. Oui. Régine, va bien ? Très bien. Voilà, Nicolas un peu éteint. Hein ? Mais bon, on comprend, si tu as mal la gorge, hein ? Ça fait mal quand on parle. Alors, de quoi avons-nous décidé de parler ce matin ? Des infos. Voilà, il y aura des infos, programmes. Il y a Christopher qui nous parlera de l'écobase. Nicolas, il nous parlera d'une expérience pour faire du vent. Attention, ça va être passionnant. Si on a un peu de temps à la fin, on parlera du mensonge. Bien que vous n'étiez pas très... ça avait fait flop lundi. Hein. Ouais, à la fin. Donc la dernière fois, il y avait une chanson mystère. C'était qui ? C'était qui ? X-Files. Ouais. Alors aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui a été choisie par Gabriel. Eh bien, on va l'écouter. Et tous à vos téléphones, 03 29 62 40 40. Est-ce que combien ? 7 ? Yeah. Voilà, donc c'était la chanson mystère, mais qui n'avait pas été choisie par Gabriel, mais par Camille. Alors, excusez-moi de l'erreur, Gabriel, on écoutera ta chanson tout à l'heure, oui. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut commencer par les infos ? Alors, Camille, vas-y, c'est toi qui ouvre le bal, comme on dit. Une usine a pris feu à Rouen. Rouen. Et un atouti. Et un, une usine qui fabrique des produits chimiques. Voilà. Alors, est-ce que vous avez entendu parler... Alors, on va laisser la parole à Nicolas. Vas-y. Moi, hier. Tu en as entendu parler. Oui, hier, il y avait une grosse fumée qui partait, là. Ouais, un gros hier, nuage noir. Moi aussi, j'ai parlé hier soir. Bon, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils en parlent. Hein. Plusieurs. Ben, le nuage, il doit être dissous, non? Parce que c'était jeudi la semaine dernière. C'est un gros nuage. Hein. C'est un gros nuage. Hein. Courir. Oui. Et Christopher, tu voulais dire quoi ? On voulait dire pareil. Ah, tu voulais dire pareil. Okay. Alors, quelle incidence pour les gens ? Ils peuvent mourir. Mourir... Non, pas tout de suite, peut-être. Hein. Qu'est-ce qui s'est déposé un peu partout, là, à Rouen ? Les trucs verts, là. Je sais plus. Christopher ? Oui ? Les jardins, tout ça, les maisons, comment c'était après le passage du gros nuage noir ? C'était... Toxique. Toxique. Oui. Voilà. C'est toxique, oui. C'est des... produits poussière noire. Poussière noire. Des suies. Ouais. Parce que dans l'usine, là, apparemment, ils fabriquent des huiles moteurs. Pour l'essence. Voilà, donc c'est très toxique, oui. C'est quoi ça ? Ouais. Des huiles qu'on met dans le moteur des voitures. Ah oui. Voilà. Donc il y en avait plein dans les jardins, les champs, sur les maisons. Donc si c'est tombé, par exemple, dans les champs, est-ce que les bêtes vont pouvoir manger l'herbe ? Non. C'est pas bon. Ah non. Ouais, bien sûr que c'est pas bon. Dans les jardins, c'est pareil, il ne faut pas manger les légumes. Donc c'est quand même une catastrophe, ça. Et puis pour tous les riverains, tous les gens qui habitent dans ces coins-là, c'est pas le top. Hein. Hein? Les écoles, elles ont été fermées. Aussi. Jusqu'à ce qu'elles soient nettoyées. Bon. Allez, vas-y Camille, passe à ta deuxième info. Une panthère retrouvée sur un toit. Elle était noire. Hein? Alors, est-ce que quelqu'un a vu cette info ? Non. Zinedine, tu as vu ? Oui ou non ? Tu nous l'as même montré, Corinne. Un peu, toi. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? Bof. C'est pas... Christopher, est-ce que tu as vu l'info, là ? Non. Bon, alors on avait regardé un petit peu plus avec Camille. Hein, donc c'était une panthère qui venait du zoo de Maubeuge et qui avait été volée, là. Oui, c'est vrai. Donc, quelle idée d'aller voler une panthère hein, Non, c'est l'inverse. En fait, il me semble qu'elle appartenait à quelqu'un, elle s'est échappée et donc elle s'est retrouvée sur un toit. Après, ils l'ont mis au zoo et là, elle s'est fait voler. Oh. Oui, elle s'est fait voler aux zones meubles. Oui. Mais après avoir été récupérée sur le toit. Voilà. Ah, bah voilà. Donc on n'a pas trop bien regardé. La police, elle a trouvé le propriétaire. Parce que normalement, on n'a pas le droit d'avoir un animal sauvage à la maison. 10 ans. Ouais, mais en même temps, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait de mal. Parce qu'elle était habituée aux gens. Ah oui. Oui. Elle est rentrée dans la maison d'une personne. Et donc là, elle est retournée au zoo. J'en sais rien, je me suis arrêtée au fait qu'elle ait été volée. Après, je sais pas. Après, ils en ont plus parlé, donc. Bah voilà. Oui. Ah oui. On sait pas. Donc, on sait pas. Oh, bah dis donc. En tout cas, c'est très joli, une panthère. Hein. Oui, mais il est la robe. Tu me l'as même montré, Coupé. Pas tout de suite, Gabriel. Pas tout de suite. Alors, vas-y. Un petit plaisir. La Coupe du monde du rugby est au Japon. Les Français ont gagné un match. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont entendu ça? C'est moi, j'ai entendu. Coupe du monde de rugby au Japon. Les Français ont gagné un match. Mais je crois qu'on va faire un autre. Ils sont en train de jouer le deuxième. Oh, deuxième. Ils sont en train de jouer le deuxième. Et après, ils seront presque en finale. Hein. Ah bah oui, forcément. Donc, c'est pas fini, la coupe? Non. Marion? Comment, pardon? C'est pas fini, alors? Non, non, c'est en ce moment même, je suis en train de chercher le résultat. Ça fait une demi-heure que ça a commencé à peu près. Ah. Et reste devant le micro. Il y a 12-3 pour la France en ce moment. 12-3? Oui. Oui, donc. Mais c'est face aux États-Unis, donc normalement, on est supérieur aux États-Unis, donc on devrait gagner le match. Oh, pardon. Non, on est en train de perdre. Non, on gagne. Ah, ok. 12-3. Oui, j'ai entendu ça. Oh, moi, le 3. Moi, la queue. Faut sur la 10 et sur la 1. Oh. Ah, oui, il y a moi, j'ai regardé ça. Tu as regardé un match? Ouais. Moi, j'en ai regardé un peu plusieurs. Ouais. C'est bon pour la Coupe du Monde? Oui. Bon. Ensuite, Nicolas, tu nous as parlé de monsieur... Girac. Comment? C'est Girac. Girac. Non, ça, c'est Kenji. C'est Kenji. Non, Jacques Chirac. Jacques Chirac. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce brave monsieur? Il est mort. Hein. Il est mort. Il n'est pas encore enterré. Hein. Il n'est pas encore enterré? Non. Si, c'est bon. C'est la dernière fois que tu as regardé les infos, c'était quand? Hier. Hier, il était pas enterré? Non. Si. Si. Bah, si, dis donc. C'était lundi, non? Oui. Non, c'était dimanche. Non, c'était lundi. Non, lundi. Dimanche, c'était dimanche, les hommages. Ok. Voilà, donc, il est enterré. Où? Je sais pas ça. À Paris? Paris, oui. Dites-leur que c'est à Christophe. Cimetière Montparnasse, c'est ça, non? Oui, c'était prévu, je crois. Ça, oui. Voilà. À Montparnasse, au cimetière Montparnasse. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de M. Chirac? C'était qui, déjà? C'est un président. Un ancien? Un ancien. Oui. Président de la... République. Voilà. Française, voilà. La France. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a été président combien de temps? 12 ans. Longtemps ou alors... 12 ans. Christopher a l'air de savoir. Oui, si, c'est ça. 12 ans, il était président. Voilà, il a fait un septennat et un quinquennat. Oui. C'est ça? Oh. 12 ans. Eh ben, les Français devaient bien l'aimer. Même François Hollande aussi qui était à l'église, là. François Hollande, il était à l'église? Oui, j'avais vu, là. Oui, tu as raison. Ouais. Il y avait aussi tous les présidents, là. Oui, il y avait différents présidents. Oui. Est-ce qu'il y en a que tu as reconnu? Non. Zinedine, tu te redresses et tu enlèves la main de devant ta bouche. Non. Est-ce que tu en as vu, toi, des présidents? Oui. À l'église? Oui. Oui, oui. Oui. Alors toi, tu as vu François Hollande? Oui, c'est tout, je crois. Il n'y a d'autres personnes. Il n'y a personne d'autre? Si. Ah bon? Parce que... Oui, enfin voilà, il y en avait d'autres. Il devait y avoir Vladimir Poutine. Il y avait Bill Clinton. Il y avait Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing aussi qui était là. Il y avait le premier ministre libanais. Ah oui? Oui, il y avait des présidents africains, des anciens. Ah oui, il n'a qu'on fait des gros déplacements, hein? Oui. Ah. Poutine, on l'a dit. Oui, Vladimir, oui. Il y avait Bill Clinton. Ah oui. C'est bien, un bel hommage. Alors, à votre avis, est-ce que les Français l'aimaient bien, Jacques Chirac? Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait penser que Jacques Chirac, il était aimé par les Français? Il était bien, là. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé tout le week-end, là? Ils en ont parlé. Ah ben oui, ils en ont beaucoup parlé, oui, et puis... Ils n'avaient pas mis des livres à disposition des personnes pour mettre un petit mot ? Si, je crois. Ouais, alors, est-ce qu'il y a eu du monde ? Oui, beaucoup. Hein. Énormément de monde. Donc, ça veut dire qu'il était apprécié. Voilà. Et je vous avais demandé aussi, qu'est-ce qu'il a fait de bien ? Est-ce que vous avez entendu quelque chose par rapport à ça ? Non. Le temps où il était président, qu'est-ce qu'il a fait de bien ? Il était à la sieste toute la journée, il n'a rien fait du tout. À la sieste toute la journée. Il n'a pas bougé de son fauteuil à l'Élysée. Il n'a rien fait du tout. Vous n'avez rien entendu ? Non. Christopher, toi qui regardes beaucoup la télé, tu as dû entendre quelque chose quand même. On n'a pas les infos alors. Hein. Ah, tu regardes plus les infos toi ? Si, sauf le dimanche. Ah, sauf le dimanche. Pour lundi. Hein. C'est jour de messe le dimanche. Hein? Non, non. C'est pas la messe. On va demander à Régine. Parce que Régine, elle sait. Qu'est-ce que M. Chirac a fait de bien ? Alors, de bien, hein, j'insiste. Donc, il a fait un plan pour la sécurité routière. Un des premiers plans pour la sécurité routière, pour qu'il y ait moins de blessés sur les routes. Et puis... une deuxième chose, il a fait aussi un plan pour qu'on soigne les enfants autistes. Donc ça s'appelle plan autiste. Et là, à partir de là, a débuté de l'argent pour soigner en France beaucoup mieux les enfants autistes qu'ils n'étaient jusque-là. Oui. Et puis, il n'y avait plus le service militaire. Non. Il a arrêté le service militaire. Donc pour les jeunes... Ça a dû être bien quand même, hein, ne pas aller au service militaire, alors que là, on parle de leur maître. J'ai entendu ça. Oui, je parle régulièrement de leur maître, oui, parce qu'ils n'ont pas de solution. Et je ne sais plus si j'avais pas entendu aussi qu'il avait mis en place le SAMU social. Est-ce que je me trompe ou pas ? J'avais entendu un truc comme ça aussi. Mais bon... C'est peut-être oui, avec lui, effectivement. Parce que c'était un ancien député, je ne sais plus comment il s'appelle, pour le SAMU social, qu'il a mis en place, peut-être grâce à ses, oui. À ses relations. Bon, alors, monsieur Jacques Chirac, c'est bon ? Oui. Oui, c'est bon. Ensuite, de quoi allons-nous parler ? Ah, par rapport à M. Chirac et à Zinedine, qui avaient fait une intervention lundi, je trouvais ça bien. Il a dit il aimait le foot. C'est vrai. Et puis, oui, non, mais en plus, tu avais pleinement raison. Parce qu'il était à la Coupe du Monde 98. Et qui c'est qui jouait au moment-là ? Zinedine, il jouait au foot. Zinedine 98. C'était oui. Qui ? Oui, vas-y Camille. Zinedine Zidane. Voilà. Bravo. Donc ça, c'était bien vu, Zinedine. Bien vu. Après, il y avait aussi Zinedine qui nous avait donné une autre info. C'était... Qu'est-ce qui s'était passé à Gérard May ? Oh. Ah oui. Non. Le son ? Oui. Est-ce que tu penses que les auditeurs vont comprendre ? Allez, tu te mets devant ton micro. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Le feu. Hein ? Le feu ? Non, du feu, de vie. Deux voitures ? Oui, de vie. Roulez vite ? Oui. Oui ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Des gaz. Oui, quoi ? Tassé. Accident. Oui. Accident. Alors ça, c'était à Gérard May. Ouais. Et tu l'as vu ? Oui, des deux papas. T'as eu peur ? Ouais. Bah oui, ça doit faire peur, un accident. Oh, oui. Oui, tu as eu peur alors ? Oui. Alors les pompiers, les gendarmes, tu as tout vu ? Non ? T'as pas vu les pompiers ni les gendarmes ? Non. Non. Personne n'est venu. Non ? Et si ? Si ? Alors qui ? Ah oui, les pompiers. Qui ? Les pompiers. Les pompiers, oui. Ouais. Je vois plus. Tu te rappelles plus ? Non. Est-ce qu'il y a eu une ambulance ? Oui. Et alors les pompiers, ils font comment ? Quoi ? Quand ils arrivent, les pompiers, ça fait quoi? Pimpon. Et les ambulances? C'est pas ça? Ah, si, voilà, c'est ça. C'est bon, tu veux rien rajouter d'autre? Rien. Non, c'est bon. Alors, on va passer la chanson de Gabriel. Calogero, tu es content, Gabriel? Hé, Gabriel, redresse-toi. Oui, tu es content? On peut l'écouter? Tu sais c'est quoi le titre? Je sais pas. Je joue de la... musique. Voilà, allez, on écoute la chanson de Gabriel. Ça vient de je ne sais où. C'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou. C'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit un peu pas. C'est comme un volcan dans ma tête. Parfois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je range ma guitare électrique. De Danané. Gabriel, tu es content? Oui. Ouais. Alors Christopher, on va te laisser la parole pour la PMA. Oh non. Ah bah si, tu savais plein de choses. Oh non, mais sérieux. Allez, on t'écoute. Oh non. Ah bah on t'écoute hein. Oh. Alors c'est quoi? Oh mais pourquoi c'est moi? Bah parce que c'est toi qui en a parlé. Mais non. Hein. Ah bah, j'ai dit, pas. J'ai dit comme ça. T'as parlé de ça dans le véhicule. J'ai parlé ça comme ça. Hein. Comme ça. Oh eh ben alors tu vas nous parler de l'éco-base. Ah, ça c'est mieux ça. Bon, alors déjà, l'éco-base, raconte, qu'est-ce que c'est ? On travaille ? Oui, mais ça se passe où ? L'éco-base ? Mais où ? L'éco-base, elle est sur la Lune ? Non. Non ? Elle est où ? Tu sais même pas où tu vas. Tu montes dans le véhicule le lundi matin, puis emmenez-moi. Ah, c'est ça ? Tu sais pas où tu vas. Tu passes par où pour aller à l'éco-base ? Je sais pas. Tu passes par la Bresse ? Non. Par Épinal ? Par quoi ? Non, c'est rien, moi. Tu sais même pas où tu vas. Oh, oui. Mais le trajet, tu dors ou tu fais quoi ? Je parle. Ah, tu parles, alors tu regardes même pas ce qu'il y a autour de toi, même en rentrant. Non. Zinedine, on va t'entendre. Donc, ça se passe à Bouzet. Bouzet, c'est près d'Épinal. Voilà. Alors, tu sais, avec qui tu fais le chantier, là ? Avec Steven. Il y a Steven, il y a qui encore ? Jason. Jason. Hudson, Nathan. Ouais. Steven. Oui, t'as déjà dit. Qui d'autre aussi ? Bah, ça fait déjà, non ? Ouais. Et tu vas avec qui ? Avec Albin. Avec Albin. Et Benoît. Benoît, voilà. Et Benoît. Voilà. Pas moi ? Ah non. Gabriel, pour l'instant, non. Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'éco-base ? On travaille. Oui. Mais ce travail, vous faites quoi ? Le projet, c'est quoi ? On scie. Vous sciez ? Vous sciez les arbres ? Non, c'est des planches. Ah, des planches. On met des clous ? Oui. De la visseuse ? De la visseuse. On met de l'huile de lin pour le bois. Ah, vous traitez le bois. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est comme bois ? C'est du bois. Ouais. Écoute, hein. Ouais, mais c'est du sapin, du hêtre, du chêne. T'es sûr que c'est pas du plastique, des fois, non ? Non. Mais c'est bien de poser des questions. Là, t'as pas l'air de savoir. Moi, je pense que c'est du sapin. Pour faire quoi, avec le bois ? Pour mettre sur... pour faire la cabane, là, on va faire. Ah, vous faites une cabane ? Ouais. Avec des douches dedans. Avec des douches ? Trois douches dedans. Trois douches ? Ouais. Ah oui, c'est un grand chantier, alors. Ouais. Ce chantier ? Et puis, vous en êtes où, alors, dans vos cabanes, là ? À peu près presque fini, hein. Ah, vous avez presque fini la cabane ? Pas encore, hein. Pas encore. Et puis le toit, pardon, c'est des planches aussi ? Non, c'est du plastique. C'est du plastique ? Non, je crois qu'on enlève le plastique, je crois. Bah, il y a un toit ou il n'y a pas de toit ? Alors, ça y est, moi ! Bah, c'est toi qui as l'éco-base, c'est pas moi, Christopher. J'ai pas endardé, écoute. Mais est-ce que vous avez prévu de mettre des tuiles ? Ou... non. des plaques en plastique ou des plaques en... Ok. Et puis donc, trois douches dedans. Ouais. Pour toi. Est-ce que c'est vous qui allez poser les douches ? Elles sont déjà posées, les douches, hein. Ah, elles sont déjà posées. Oh non, c'est pas encore posé, non. Qu'est-ce alors... que vous faites avec le bois ? Vous le mettez où ? Sur les côtés. Sur le mur ? Sur les côtés, sur à l'extérieur. Le... c'est le bardage. À l'extérieur. Oui, vous rhabillez les murs. Voilà, ouais, du bois. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà l'eau qui arrive ? Quoi ? L'eau. Est-ce qu'elle arrive déjà dans les douches ? Non. Ah non. Alors qui c'est qui va amener l'eau ? C'est avec des seaux ? Non. On ne sait rien, moi. La plomberie, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Tu sais pas ? Non, c'est rien. Toi, tu vas où le vent te mène. Hein, Christopher ? Non, c'est rien, porter. Moi. Et puis, là, la cabane, tu dis qu'elle est bien avancée et tout, mais là, vous y êtes quand même jusqu'au mois de juillet. Donc, vous allez faire quoi après la cabane ? Je sais pas. Bah. Est-ce que tu aimes aller à l'éco-base ? Oui. Oui, alors qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime... Et quoi ? J'aime... Oui, mais tu aimes faire quoi ? Je sais pas. Parce que tu te retrouves avec d'autres jeunes, quand même. Oui. Ah ben, c'est bien. Tu fais connaissance d'autres personnes. Mais ça se passe bien ? Oui. Oui. Bon. Bon, on va dire ça, hein. Donc, tu y retournes quand, là ? Pas lundi, là. On verra bien. Ouais, on verra bien. Je sais que c'est pas lila, c'est pas lundi là, mais ce sera l'autre d'après, je crois. Dans 15 jours, alors. Ouais, j'en sais rien, moi. Hein. Mmh. Demande ça à Albin. Hein. Ouais. Et puis à la fin de l'année, vous ferez quoi? Vous faites pas un séjour à la fin de l'année? Bah si. Mais j'en sais rien, moi. Bah si, c'est ce qui est prévu. Un séjour. On verra bien, si les parents sont d'accord. Comment? Si les parents sont d'accord. Oh, bah, je pense que oui. Hmm. Ça peut faire du bien aussi, hein, de sortir de chez soi. Hein? Mm-hmm. Il faudra faire la vaisselle, il faudra refaire son lit, il faudra... Hein, Christophe? Ouais. Ah, ça a l'air de te plaire, hein. Alors, c'est bon pour les cobas? Oui. Oui. T'as pas envie de parler aujourd'hui? Si. T'es malade? Qu'est-ce que t'as, Christophe? Je suis pas malade. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon. Est-ce qu'on laisse la parole à Nicolas maintenant? Je t'aiderai, d'accord? T'es d'accord? Mmh. Voilà. Donc on coupe pas la parole à Nicolas. De toute façon, il n'y a que lui qui peut en parler, hein. Il n'y a que lui qui va dans le cours, là. Ah bah oui. Alors, voilà. Donc, je Lila sais. A dit, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? On va en sciences. En SVT. Régine, vous savez ce que c'est, SVT? Science de la vie et de la terre. Voilà. Donc, tu y vas avec qui? Avec Corinne. Oui, moi, j'accompagne. Et qui? Qui c'est qu'il y a d'autre? C'est tout, je crois. Bah non, Sinon, tu irais tout seul, hein, si avec toi pour y aller. Les autres élèves. Du groupe. Qui c'est qui y va aussi? Oh, bah, il est transparent, hein, dis donc. C'est Corinne. Timothée. Voilà. Donc, il y a Timothée, Nicolas. Et Corinne. En SVT. Voilà. Alors, lundi, on a fait quoi? Parce que jusque-là, c'était beaucoup... La fumée. La théorie et tout ça. Bon, on apprend des choses. Il y avait un aquarium. Voilà. Mais lundi, il y avait une mise en pratique. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait une bougie. Hein. Oui, mais le but, c'était de faire quoi? Le vent. Du vent. Comment se fait le vent? Alors, vous avez pris quoi? Un bâton. Non, mais déjà le récipient. Une bouteille. Non, tu l'as dit avant. Une bouteille. Un aquarium. Voilà. Un aquarium. Et vous avez mis quoi dedans? Une bouteille. Voilà. Une bouteille. Oui, mais elle était comment, la bouteille? Froide. Gelée. C'était un glaçon, quoi. Hein. Donc, elle était sur un support, la bouteille posée dessus, et puis... Il y avait une bougie, là, aussi, là. Voilà, à l'extrémité. Une bougie. Voilà, au-dessus il a mis un couvercle en carton. Et en verre. Voilà, il a piqué le bâton dans le carton. Un bâton d'encens. Il l'a allumé. Il l'a allumé. Et ça fait que du vent. Le bâton d'encens, il fait du vent. Non, c'est la fumée qui fait du vent. Non, c'était pour pour montrer comment ça se faisait. Mais l'encens, le bâton d'encens, il était allumé. Ça faisait de la fumée. Partout. Hein, voilà. Et donc, il a allumé la bougie aussi, et ça tournait autour de la bouteille. Oui. Il y avait une source de chaleur d'un côté, par la bougie. Une source froide. Et la source froide. Au-dessus. Par le glaçon. À un moment donné, ça se rencontrait. Ça faisait quoi? Du vent. Ça faisait du vent. Ça faisait un déplacement d'air, mais dans quel sens? À l'envers. À l'envers. C'est à l'endroit, là. Ça sort comme ça, là. Qu'est-ce qui faisait déplacer la fumée de l'encens? Le froid. C'est pas la chaleur? Oui, puis après, ça redescendait, et ça faisait un mouvement d'air. Ça montait. On voyait bien avec l'encens, la fumée de l'encens. C'était pour expliquer un peu le vent. Comment l'air chaud rencontre l'air froid et comment ça se... Est-ce que vous avez compris, les autres? Après, comme dit le professeur, c'est plus facile quand on a les éléments devant soi de voir un peu les mouvements. Là, c'est peut-être pas facile pour eux de se rendre compte. Alors, est-ce que c'était intéressant, ça? Oui. Ouais. Et puis, la fois d'avant, on avait quoi? On avait parlé de quoi? La terre. La terre, là. La terre, oui, avec les autres planètes. Le soleil? Le soleil, hein. Alors, qui c'est qui tourne autour de qui? La terre tourne autour du soleil, hein. Voilà, il y a le soleil, la terre. Et puis, la terre, est-ce qu'elle reste comme ça? Elle est verticale. Ou est-ce qu'elle tourne? Elle est verticale. Elle est un peu inclinée, la terre. Et puis elle tourne autour du soleil. Voilà. Et est-ce qu'il y avait d'autres planètes? Non. Si. De quelle planète tu te souviens? Mars. Mars, il y a quoi encore? Vénus. Bien. Pegasus. Qui? Pegasus. Mégasus. C'est ça? Mégasus. Ah, Christopher veut t'aider. La Lune. Et puis, est-ce qu'il y en a qui connaissent des planètes? Non. Non. Non. Pourtant, c'est intéressant, ça. Je connais pas. Nicolas, il y en a qui te reviennent. Celle qui a un anneau autour. Comment elle s'appelle? Ouais. Saturne. Saturne. Eh, mais je t'ai dit. Saturne, ouais. Et puis, il y a plus... Plus... Il y a une autre aussi, là. Pluton. Ah, c'est plus une planète. Comment? C'est plus une planète. Pourquoi? C'est une planète naine, elle est plus considérée comme les autres planètes. Ah, on l'avait mis, nous, dans le système solaire. Enfin, le prof, il nous a fait mettre, tu vois? Non, elle en fait plus partie. Ah, oui. Ouais. Là, Vénus? Un trou noir. Là, oui. Il y a un trou noir dans l'espace, Corinne. Ah, il y a un trou noir dans l'espace. Oui, ça peut avaler tout. Hein. Ça peut avaler tout. Oui, tous les déchets. Hein. Il y a un trou noir dans l'espace. C'est bizarre, ça, hein, le trou noir. Hein? Quand on y pense. Mais il avale les déchets. Oui, il avale tout. Hein. Ça peut avaler tout. Hein. Oui, mais pas spécialement les déchets. Hein, les déchets, en général, ils restent là où ils sont. C'est un mystère, les trous noirs. C'est bon pour SVT, Nicolas? Oui, Corinne. Bon. Eh bien, alors, pour te récompenser, on va te passer ta chanson. Allez, les démons de minuit. Pour Nicolas. Ça va être un peu long. Hein. Ça va être long. Voilà. Down. Oh ben voilà, c'était la chanson de Nicolas. Ah, pourquoi tu aimes cette chanson là, les démons de minuit? Parce qu'on la connaît, hein. Ah, c'est parce qu'on la connaît. Ah bah oui, c'est vrai que tout le monde la connaît, la chanson là. Brigitte, vous la connaissez? Ah oui, c'est bien de danser avec cette chanson. T'es d'accord, Gabriel? Oui. Ouais. Alors, on va repartir sur le sujet de lundi. Bah, Christopher n'était pas là. Ah, mais ça fait rien, tu peux intervenir. Qui était le... Le quoi? Le mensonge. Bien. Gabriel, bonne nuit. Et... Zinedine aussi, c'est dire. Ah, oh, mais... Alors, on va vous laisser parler chacun à votre tour. Vous donnez votre avis. À votre avis, on va commencer par Nicolas. Comme ça, tu seras tranquille. Après, tu pourras dormir. Hein. À ton avis, c'est quoi le mensonge? C'est quoi? On ment à quelque chose. On ment à quelque chose. À quelqu'un, peut-être. Oui. Oui. Gabriel, c'est quoi le mensonge? Est-ce que tu mens, toi, des fois? Oui. Oui? Approche-toi du micro. À qui tu mens? Je sais pas. Ah bah... Oui. Est-ce que tu mens à maman? Oui. Oui? À papa? Non. Ah! À maman, mais pas à papa. Alors à papa, tu dis toute la vérité. Et maman, tu racontes bien ce que tu veux. Hein? Si maman, quand tu rentres le soir, elle te dit « Gabriel, tu as été sage aujourd'hui ?» Non, bazar. Ah, tu lui dis ça, non? T'as fait le bazar? Oui. Mais tu lui dis ça tous les jours? Oui. Alors tu lui mens tous les jours? Non. Ah bah si, si tu racontes ça tous les jours. Est-ce que tu fais le bazar tous les jours? Non. Bah non, donc faut pas lui dire ça, maman. Ensuite, Camille, c'est quoi le mensonge? Est-ce que tu as déjà menti, Camille? Oui. Oui. Ok. Zinedine, est-ce que tu as déjà menti? Non. Ah non. Approche-toi du micro, Zinedine. Est-ce que tu as déjà menti à quelqu'un? Non. À maman ou à papa? Non. Non. Non. Laisse le micro, Zinedine. Christopher, est-ce que tu as déjà menti? Laisse le micro. Bah oui ou non? Un peu, parfois. Un peu. Alors, à quoi ça sert de mentir? Pourquoi on ment? C'est pas bien de mentir. Hein. Oui, mais pourquoi on ment? Parce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on n'a pas? Fait quelque chose de mal. Ah, c'est quand on a fait quelque chose de mal qu'on ment? Ah, je sais pas. Christopher, toi, si ça t'est déjà arrivé, à quoi ça t'a servi de mentir? C'était pour éviter des réprimandes, de te faire rouspéter, de... Oui, oui, oui. Ah ouais, c'était ça, pour te protéger, alors. Ouais. Mmh. Et toi, Gabriel? Non. Pourquoi ça t'arrive de mentir? Je sais pas. Tu sais pas, tu mens comme ça, toi. Comme ça. Et est-ce que des fois, à l'IME, tu mens aussi? Non. Non, tu mens jamais à l'IME. Non? Si. Ah si. Bah oui. Qui c'est qui peut me donner un exemple de mensonge? Bah un truc tout simple, hein, n'allez pas chercher. Hein. Je vous laisse réfléchir. Oui. T'as un exemple déjà? Non. Ah non. Ah bah c'est pas facile d'avouer ces mensonges là. C'est pour ça que je vous dis prenez un petit hein, qui n'a pas d'importance. Hein. Et toi Corinne, t'as déjà menti? Oui. Dis-nous un mensonge. Ah bah non, je veux pas te le dire parce que comme j'en parlais tout à l'heure avec Régine, c'était plus pour protéger la personne, pour pas lui faire de mal. Donc je bouche cousue, tu vois. Voilà. Elle dit pas. J'ai préféré dire autre chose qui lui faisait plaisir plutôt que de dire quelque chose qui allait blesser. Voilà. Je vous écoute. Enfin, on vous écoute avec Régine. Hein. Eh, Régine, ça peut dire si elle a menti. Hein. Ah, moi, j'ai déjà menti. Sur quoi? Bah, comme le dit Corinne, c'était aussi pour protéger quelqu'un, mais aussi pour me protéger. comme pour toi, Christophe. Tu comprends, Christophe? Des fois, c'est pas... Ce n'est pas faire de mal hein, que de protéger quelqu'un ou de se protéger. Hein. Après, par exemple, un exemple, je sais pas moi... tu voles un paquet de bonbons à l'IME et tu dis que c'est pas toi. Bon, là, c'est pas très sympa, tu vois, parce qu'il peut y avoir un autre jeune qui va prendre pour toi, alors que c'est pas lui. Donc ça, c'est pas des mensonges. Alors, est-ce que tu as déjà eu ce type de mensonge? Non, ça me vole ma vue. Non, mais... Et c'est un exemple, hein. Voilà. Est-ce qu'à l'IME, tu as déjà menti à quelqu'un? Ben, ça peut arriver. Oui, un petit peu. Est-ce que chez toi, tu mens à ta maman? Ah, ben ça, c'est bien. Maman, jamais. C'est bien. Nicolas, est-ce que tu as déjà menti à l'IME? Un peu. Hein. Un petit peu. Et chez toi, est-ce que tu mens? Oui. Aussi. Et ben, Gabriel l'a répondu. Et Camille, est-ce que des fois, à l'IME, ça t'arrive de dire des petits mensonges? Chez toi? Oui. Ah, toi, c'est chez toi. Zinedine, oui. Est-ce que tu racontes des mensonges des fois, maman? Non. Jamais. Non. Ah, et à l'IME, est-ce que tu racontes des mensonges? Non. Jamais. Et Dina, et puis... Non. T'arrives pas de dire, oui, lui, il a fait ça, puis il a rien fait. Est-ce que ça t'arrive? Non. Non. Ok. Et du coup, tu fais voir. Ben non. Quoi? Quoi? Les filles? Oui. Ah, tu mens aux filles, toi? Oui, oui. Ah oui. Ah, oui. Ah, c'est intéressant. Pourquoi les filles et puis pas les garçons? Il y a beau Camille, il y a beau moi. Non, elle est belle. Belle. Mais c'est pas un mensonge de lui dire qu'elle est belle. Non, de n'a bougé. Ah, quand tu dis qu'elle est no beau, qu'elle est pas belle, c'est un mensonge. C'est pas... Bah oui, c'est un mensonge. Parce qu'elle est belle, en réalité. Bah, si. C'est pas un mensonge. Alors tu dis à Camille des fois qu'elle est pas belle. Oui. Et puis tu penses tout le contraire. Alors pourquoi tu lui dis ça? C'est pour la blesser? Ou alors pour qu'elle s'intéresse à toi? Non! Non? Est-ce que t'es gênée? Non! De parler de la beauté de Camille? Non! Ça, c'est un non qui veut dire moi? Oui. Non! Tu restes avec nous, Christophe Oeuvre. Hein? Non! Mais c'est bien, Zinedine, toi. Oui? Vous voyez, Zinedine a donné un exemple. Hey, alors Camille, elle va nous donner un exemple. Oh! Bah, regarde, il l'a fait, Zinedine. Hein? Eh oui, des réfléchissez les autres. Oh, oh. Oh, mais je sais pas moi. Un petit, hein, on vous demande pas un truc comme ça. Comment garçon Camille, tu mens aussi? Est-ce que ça t'arrive à l'IME par exemple Nicolas ou à Christopher ou je sais pas à des jeunes qui sont autour de toi de leur mentir? Non, elle vous ment pas Camille. Je mens pas moi Corinne. Elle est vraie. On va pas te punir. Une sanction. Arrête. Non, puis là, c'est une conversation. Hein. Le but, c'est pas non plus les représailles après. Hein. Ah non. C'est pas ça. Hein. Représailles. Bah oui. Nicolas, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Mais je sais pas, moi. Bah, alors, Régine a donné, moi aussi, Zinedine aussi. Il y a que toi et Christopher. Et Gabriel, il a rien dit, oui. Bah si, il a dit qu'il mentait à sa maman, mais pas à son papa. Ça va être nu, moi, je mens un peu. Hein. Mais je l'ai dit, moi aussi, tout à l'heure. Oui, t'as dit quoi, Nicolas? Que tu mens chez toi, oui. Oui, elle m'a dit, moi, j'avais dit. Ouais, mais pourquoi chez toi? Jolie, Tani. Toi, tu penses que c'est plus facile chez toi si tu mens? Dine, arrête, est-ce que chez toi tu fais des bêtises alors tu dis des mensonges pour pas te faire rouspéter? Non. Ouais, mais alors pourquoi tu mens? Ah tu je sais pas. Et puis à l'IME alors, un exemple. Un peu. Est-ce que par exemple tu as déjà dit un mensonge à Christopher, à Camille? Non. Ah alors à qui? Alors est-ce que c'est aux éducateurs que tu racontes des mensonges? Non. Non. Ah. Bon alors à qui? Bah, peut-être que tu n'en dis pas, alors. Non. Parce que je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je ne sais pas si tu as compris. C'est compliqué. Oui. Hein, le mensonge, savoir ce que c'est. Ne pas dire la vérité. Mario, Christopher, vous avez déjà menti? Oui. Oui. Oui, voilà. Oh, ça sent les petits mensonges. Vous voyez? Il y a le nez qui pousse. Eh, moi, j'ai déjà menti sur mes vêtements. Tu as déjà menti sur tes vêtements? Non, sur les autres vêtements des autres. Ah, quoi? Oui, du coup, là. Je sais plus quand. J'ai pas compris ce que tu as dit. Approche-toi du micro, Christopher. Non. Tu as déjà menti sur ce que Camille me disait, est-ce que je suis beau comme ça? Je suis menti un peu. Tu as menti à Camille sur... Sur ses vêtements, une fois qu'elle m'a dit, est-ce que tu me trouves beau avec? Ah, sur ses vêtements. Tu lui as dit qu'ils étaient pas beaux. Si, j'ai dit c'était beau. Alors que tu pensais qu'ils étaient moches. Non, j'ai pas dit ça. Et... Sur certaines tenues, j'ai pas dit surtout, hein. Je vais te refaire un look cri, hein. On est un peu de représailles. Les représailles, ça y est. Non, moi j'ai pas compris ce que t'as dit, là. Oh, laisse tomber. Non, tu dis, j'ai dit à Camille pour ses vêtements qu'ils étaient beaux alors que j'ai rien compris. J'ai un peu menti. Oui, un peu menti. Oui, mais alors tu pensais quoi? Qu'ils étaient pas beaux ou que quoi? Bof. Bah après, c'est ses goûts. Qu'une seule fois que j'ai dit une fois. Bah, il a préféré mentir. Tu comprends, c'est sympa quand même. Hein? Une seule fois, j'ai déjà menti sur Camille, hein. Ah, et puis sur les autres alors? Non, bof. Non. Qu'une seule fois sur Camille, j'ai fait. Qu'elle avait un pantalon en fleurs. Un pantalon à fleurs? Ouais, qu'elle avait ça. Elle le montait aussi avec. Et puis ça te plaisait pas? Pas de trop. Ah oui, comment elles doivent être habillées les filles alors? J'ai rien de non, j'ai rien. Bah, tu dois avoir des goûts. Les filles, elles doivent être habillées comment? J'en sais rien, moi. Hein. En tout cas, pas en pantalon à fleurs. Si, enfin, si, en pantalon à fleurs, si elle veut. Si elle veut. Mais toi, ça te plaît pas. Non, je l'ai décidé. Hein. Préfères les jupes? Non. Bah, je sais pas, moi, quoi. Les pantalons. Ah. Ok. Une fille, elle doit être en pantalon. Non, j'ai pas dit ça. Un pantalon. J'ai pas dit ça, Corinne. T'as dit quoi alors? Je dis, elle s'habille comme elle veut, les filles, hein. Ouais. J'ai déjà monté qu'une seule fois sur Camille, hein. Je dis, hein. On a compris. Et Nicolas alors, t'as un exemple? Non, pas encore. Il faudrait leur lire l'histoire de Pinocchio. Ah, ils connaissent. Ah, vous connaissez l'histoire de Pinocchio? Qu'est-ce qui arrive à Pinocchio? Il ment à chaque fois. Il ment tout le temps. Chaque fois qu'il ment, qu'est-ce qu'il fait? Son nez pousse. Son nez pousse. Ah ben voilà, un exemple d'un petit personnage qui ment. Il ment à son père, puis après il ment à la fée. Gepetto, et puis la fée elle s'appelle comment? Je me souviens plus. Ouais. Mais est-ce que tout le monde connaît la chanson, l'histoire de Pinocchio? Oui. Tu connais? Oui. Sur la créature, je l'ai passé, hein. Ah, en film? Mon dessin animé? Un peu en film. Oui, c'est un film. Quand son grand-père, il est dans une baleine, là. Il n'arrive plus à ressortir. Dans une baleine. Baleine. Ah, oui. Oui. Mais Zinedine, tu as déjà vu Pinocchio? Quoi? Pinocchio, c'est le nez qui pousse. Ouais, mais Zinedine, il ne ment pas, il a dit. Donc c'est sûr que lui, il ne trouve pas d'intérêt à regarder Pinocchio. Ouais. Hein? Bah oui. Quoi, la galette des bousins? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le mensonge? Non. Régine, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Est-ce que ça mérite d'être développé ou est-ce que... C'est toujours bien de savoir si on dit la vérité ou pas, pour soi-même. Bonjour, Litanie. Comment? Bonjour, Litanie. Approche-toi du micro. Mais, bonjour, Litanie. Camille, t'entends? C'est ce que je disais la dernière fois, tu es très convoitée, Camille. Hein. Mais, hein, dire qu'on n'est pas amoureux, Zinedine. T'es jaloux, Zinedine? Je suis pas amoureux. On peut dire à Camille qu'elle est jolie sans être amoureux d'elle. Mais quoi? Ouais, qu'est-ce que je dis tout le temps? Je n'ai pas les micros. Non, non, Zinedine. Zinedine, Zinedine, enlève tes mains du micro. Merci. Voilà. Crier des chiens, moi. Il y a assez. Oh, t'as pas dit un gros mot, là? Et des chiens. Ah, des chiens. Non, bah, t'es pas obligé de répéter. Il a dit, hein. C'est la totale. Bon, c'est bon? Alors, vous savez, on arrive à la fin. 11h, on va manger un. On va manger à 11h. À 11h, dis à papa. Et dis, papa, il est parti. Ah oui, ah oui, tu voulais dire. Alors, papa, il est gendarme. Il est gendarme, oui. Et puis, il est à l'étranger. Nicolas, est-ce que tu t'appelles Gabriel? Non. Non, alors s'il te plaît, laisse-le parler. Vas-y. Alors, papa, il est gendarme. Il est parti en bus. Il est parti en bus. Pour combien de temps? 10 jours. Non, un mois. Un mois. Ouais. Alors, ce serait bien que tu saches où il est parti. Je sais pas. Bah, ce serait bien de t'intéresser. Donc, tu demanderas, maman, Gabriel, oui. À moins que ce soit top secret. Hein. C'est top secret. Un bus, un ambulance. C'est un gros bus blanc. Non, canon. Avec un canon. Camion, dit. Ah, camion. Un camion. Bon, écoute, on va dire qu'il est parti en mission. Hein. Voilà, et si tu peux nous dire où la prochaine fois, tu nous dis, sinon, voilà. Mission dangereuse. Mission dangereuse, oui. Bon, eh bien, écoutez, on va saluer nos auditeurs et on va dire à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir, Gabriel. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.